Maintenant tu sais que rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transfère. Mêle-toi de ceux qui te regardent, la guerre sainte, les épreuves et le rap, ça nous concerne. De même que la rage, les rafles et les raps, y'a pas d'immunité contre le DAS ni le cancer. Mets-toi au vert, c'est les rats. La boule à Z n'a jamais fait le moine, encore moins les dreads, le rasta. Désormais tu sais qu'on est prêt à éliminer les parasites, à se sacrifier pour mériter le paradis. L'ami dit lors que le crime ne paye plus que dalle, patient et digne même dans la maladie. Et s'agit persistant signant afin que tu saches qu'ils nous doivent. Du coltan au diable sans passant par le cobalt. Maintenant tu sais plus ou moins ce qu'on a vécu. Maintenant tu sais qu'on s'affaire contre les lacunes. Maintenant tu sais par les faits que la vie est dure. On y est tombé, c'est bien de justesse qu'on s'est rattrapé. Y'a plus de mystère, mesdames et messieurs. Par nos compétences vous serez comblés. Par nos compétences vous serez comblés. On se farcit des pentes et des grandes côtes pendant que d'autres se la jouent Pequigno, mais font tourner des baleines comme en coq. Je suis un comique, je m'écarte des guignols comme Yves Lecoq. Bah ouais, si tu crois qu'on te livre le code, prends le coffre, arrête. Tu kiffes l'école, KF, le cristaux du ghetto. Voir les faux, l'oreille pesée comme Van Gogh, en gros. Voir la DSM prod sur leur MPC, entre autres. Le mort pire qu'un salarié qui veut pas lâcher son samedi. J'ai pas sortir sans 5-10, j'fais mon truc par sans indice. Par le joueur qui prend 17, plein de rimes en temps de 17. Pour les MC indignes, on tente de secouer le rap dans 9-4 en 17. Depuis gosse, ma chambre ressemble à une forêt de feuilles. J'ai qu'un sourire quand on me dit qu'est-ce que ces enfants arrêtent veulent. Ça dit baiser le bise, mais couche avec, pas de forever. Si t'attends que tout Star Max, tu savais, demande à Starma. Maintenant tu sais plus ou moins ce qu'on a vécu. Maintenant tu sais qu'on s'affaire contre les lacunes. Maintenant tu sais par les faits que la vie est dure. On y est tombé, c'est bien de justesse qu'on s'est rattrapé. Y'a plus de mystère, mesdames et messieurs. Par nos compétences vous serez comblés. Par nos compétences vous serez comblés. Pour combattre le mal, je me demande, sommes-nous faibles? Maintenant je trouve plus le sommeil sans une boîte de somnifères. Je me rappelle l'époque où les gars participaient à ma peine. Maintenant ils me check avec un bras artificiel. Aimer c'est pardonner, tu voudrais que ça me ressemble. Mais je joue pas avec mon cœur si tu portes ma semence. Moi, je suis trop devant le micro qui tu provoques. Mytho, je te brise les os comme Crocop Mirko. C'est dur mais j'essaie de vivre, pousse la vie drumée. Puis j'en perds des plumes du 7, 5 au 7, 8. Les tiens n'ont pas honte car tout de suite sera amollis. Bellec, nos jours tu tombes pour un coup de fil anonyme. Maintenant tu sais qu'on vit dans le crime et qu'on veut tous s'enrichir, on est vite en pire. Viens voir chez nous, chérie, c'est presque horrible. Plus vrai que nature, que leur connerie, secret story. Par les faits que la vie est dure. On y est tombé, c'est bien de justesse qu'on s'est rattrapé. Y'a plus de mystère, mesdames et messieurs. Par nos compétences.